Mercredi 1er mai 1895. Ah, les horribles nuits! Je me suis cependant levée hier, comme d'habitude, à 5h30. J'ai peiné tout le jour, je n'ai pas fait de sieste. Vers le soir, j'ai scié du bois pendant près d'une heure, à tel point que jambes et bras tremblaient. Et malgré tout cela, je n'ai pas pu m'endormir avant minuit. Si encore je pouvais lire ou travailler le soir, mais on m'enferme sans lumière dès 6h ou 6h30. Mon cabanon est simplement et insuffisamment éclairé par le fanal du poste. Il l'est par contre beaucoup trop quand je suis au lit. Jeudi 2 mai 11h. Le courrier venant de Cayenne est arrivé hier au soir. M'apporte-t-il enfin mes lettres, des nouvelles des miens? C'est une question que je me pose à chaque instant depuis ce matin. Mais j'ai éprouvé tant de déceptions depuis quelques mois, j'ai entendu des choses si décevantes pour la conscience humaine, que je doute de tout et de tous, sauf des miens. J'espère bien, je suis sûre qu'ils feront la lumière, tant ils portent haut le sentiment de l'honneur. Ils n'auront ni trêve ni repos, tant que ce but ne sera pas atteint. Je me demande aussi si mes lettres parviennent à ma femme. Quel douloureux et épouvantable martyre pour tous deux, pour tous. Mais il faut être fort, il me faut mon honneur, celui de mes enfants. Mon isolement est si profond qu'il me semble souvent être tout vivant couché dans la tombe. Même jour, 5h, soir. Le canot est en vue, venant de l'île Royale. Mon cœur bat à se rompre. M'apporte-t-il enfin les lettres de ma femme qui sont à Cayenne depuis plus d'un mois? Lirai-je enfin ses chères pensées? Recevrai-je l'écho de son affection? J'ai eu une joie immense en constatant qu'il y avait enfin des lettres pour moi, suivie aussitôt d'une déception cruelle, horrible, en voyant que c'était des lettres adressées encore à l'île de Ré et antérieures à mon départ de France. On supprime donc les lettres qui me sont adressées ici? Ou peut-être les renvoie-t-on en France pour qu'elles y soient lues d'abord? Ne pourrait-on pas au moins prévenir ma famille d'avoir à déposer les lettres au ministère? Malgré cela, j'ai sangloté longuement sur ces lettres datées de plus de 2 mois et demi. Est-il possible d'imaginer un drame pareil? Toute la nuit, je vais rêver de Lucie, de mes enfants adorés, pour lesquels je dois vivre. Rien non plus de ce que j'ai demandé à Cayenne comme batterie de cuisine, ou comme vivre, ne me parvient. Samedi 4 mai 1895. Quelle longue journée en tête-à-tête avec moi-même, sans nouvelles des miens. À chaque instant, je me demande ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, quel est l'état de leur santé, où en sont les recherches. La dernière lettre reçue date du 18 février. Les matinées passent encore, tant je suis occupée à cette lutte pour la vie depuis 5h30 du matin jusqu'à 10h. Mais la nourriture que je prends est loin de soutenir mes forces. Aujourd'hui, lard conservé. J'ai déjeuné avec des pois secs et du pain. Menu du dîner, idem. Je note parfois les menus faits de ma vie journalière, mais ils disparaissent bien vite devant un souci bien supérieur, celui de mon honneur. Je souffre non seulement de mes tortures, mais de celles de Lucie, de ma famille. Reçoivent-ils seulement mes lettres? Quelles inquiétudes ils doivent avoir sur mon sort, en dehors de toutes leurs autres préoccupations. Même jour, soir. Dans le silence qui règne autour de moi, interrompu seulement par le choc des vagues qui déferlent contre les roches, je me suis rappelé les lettres que j'ai écrites à Lucie, au début de mon séjour ici, et dans lesquelles je lui décrivais toutes mes douleurs. Et ma pauvre femme doit assez souffrir de cette épouvantable situation, sans que je vienne encore lui arracher le cœur par mes lamentations. Il faut donc qu'à force de volonté je me surmonte, il faut que je donne à ma femme, par mon exemple, les forces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Lundi 6 mai 1895. Toujours le tête-à-tête avec mon cerveau, sans nouvelles des miens. Et il faut que je vive avec toutes mes douleurs. Il faut que je supporte dignement mon horrible martyre, en inspirant du courage à ma femme, à toute ma famille, qui doit certes souffrir autant que moi. Plus de faiblesse donc, accepte ton sort jusqu'au jour de l'éclatante lumière, il le faut pour tes enfants. J'essaie en vain d'abattre mes nerfs par le travail physique, mais ni le climat ni mes forces ne me le permettent. Mardi 7 mai 1895. Depuis hier, averse torrentielle. Dans les intervalles, humidité chaude et accablante. Mercredi 8 mai 1895. J'étais tellement énervée aujourd'hui par ce silence de tombe, sans nouvelles depuis bientôt 3 mois des miens, que j'ai cherché à battre mes nerfs en sciant et hachant du bois pendant près de 2 heures. J'arrive aussi, à force de volonté, à travailler de nouveau l'anglais. J'en fais pendant 2 à 3 heures par jour. Jeudi 9 mai 1895. Ce matin, après m'être levée comme d'habitude au petit jour et avoir fait mon café, j'ai eu une faiblesse suivie d'une abondante transpiration. J'ai dû m'étendre sur mon lit. Il faut que je lutte contre mon corps. Il ne faut pas que celui-ci cède avant que l'honneur me soit rendu. Alors seulement j'aurai le droit d'avoir des faiblesses. Malgré toute ma volonté, j'ai eu une violente crise de larmes en pensant à ma femme, à mes enfants. Ah, il faut que la lumière se fasse, que l'honneur nous soit rendu. J'aimerais mieux sans cela savoir mes enfants morts tous deux. Journée épouvantable. Crise de larmes, crise de nerfs, rien à manquer. Mais il faut que l'âme domine le corps. Vendredi 10 mai 1895. Fièvre violente la nuit dernière. La pharmacie portative que ma femme m'avait donnée ne m'a pas été remise. Samedi 11, dimanche 12, lundi 13 mai. Mauvaise journée, fièvre, embarras gastrique, dégoût de tout. Et que se passe-t-il en France pendant ce temps? Où en sont les recherches? Coup de soleil aussi sur un pied pour être sorti quelques secondes pieds nus. Jeudi 16 mai 1895. Fièvre continuelle, accès plus fort hier au soir, suivi de congestion cérébrale. J'ai fait cependant demander le médecin, car je ne veux pas lâcher pied ainsi. Vendredi 17 mai 1895. Le médecin est venu hier au soir. Il m'a ordonné 40 centigrammes de quinine chaque jour et m'enverra 12 boîtes de lait condensé ainsi que du bicarbonate de soude. Enfin, je pourrai me mettre au régime du lait et ne plus manger cette cuisine qui me répugne d'ailleurs tellement que je n'ai rien pris depuis 4 jours. Jamais je n'aurais cru que le corps humain eût une pareille force de résistance. Samedi 18 mai 1895. Pas très fraîches les boîtes de lait condensé de l'hôpital. Enfin, cela vaut mieux que rien. J'ai absorbé il y a quelques minutes 40 centigrammes de quinine. Dimanche 19 mai 1895. Journée lugubre. Pluie tropicale sans discontinuer. La fièvre est tombée grâce à la quinine. J'ai mis sur ma table pour les avoir constamment sous les yeux les images de ma femme, de mes enfants. Il faut que j'y puise toute mon énergie, toute ma volonté. Lundi 27 mai 1895. Les journées se ressemblent, lugubres et monotones. Je viens d'écrire à ma femme pour lui dire que mon énergie morale est plus grande que jamais. Il faut, je veux la lumière entière, absolue sur cette ténébreuse affaire. Ah, mes enfants, je suis comme la bête qui veut d'abord qu'on passe sur son corps avant qu'on atteigne ses petits. Mercredi 29 mai 1895. Pluie continuelle, temps lourd, étouffant, énervant. Ah, mes nerfs, ce qu'ils me font souffrir. Dire que je ne peux même pas dépenser mon immense énergie, ma volonté, sinon à vivre, à végéter plutôt. Mais enfin, chacun aura son heure. Le misérable qui a commis ce crime infâme sera démasqué. Ah, si je le tenais seulement 5 minutes, je lui ferais subir toutes les tortures qu'il m'a fait endurer. Je lui arracherais sans pitié le cœur et les entrailles. Samedi 1er juin 1895. Le courrier venant de Cayenne vient de passer sous mes yeux. Aurais-je enfin des nouvelles récentes de ma femme, de mes enfants? Depuis mon départ de France, c'est-à-dire depuis le 20 février, aucune nouvelle des miens. Ah, j'aurais connu toutes les souffrances, toutes les tortures. Dimanche 2 juin 1895. Rien, rien. Ni lettre, ni instruction à mon sujet, le silence de tombe toujours, mais je résisterai fort de ma conscience et de mon droit. Lundi 3 juin 1895. Je viens de voir passer le courrier se dirigeant vers la France. Mon cœur a tressailli et battu à se rompre. Le courrier va t'apporter mes dernières lettres, ma chère Lucie, où je te crie toujours courage et courage. Il faut que la France entière apprenne que je suis une victime et non un coupable. Un traître. À ce mot seul, tout mon sang afflue au cerveau. Tout en moi tressaille de colère et d'indignation. Un traître, le dernier des gredins. Ah non, il faut que je vive. Il faut que je domine mes souffrances pour voir le jour du triomphe, de l'innocence pleinement reconnue. Mercredi 5 juin 1895. Quelles longues heures. Plus de papier pour écrire, pour travailler, malgré mes demandes réitérées depuis 3 semaines. Rien à lire, rien pour échapper à mes pensées. Pas de nouvelles des miens depuis 3 mois et demi. Vendredi 7 juin 1895. Je viens de recevoir enfin du papier ainsi que des revues. Pluie torrentielle aujourd'hui. Le cerveau sous la tension de la pensée me fait atrocement souffrir. Dimanche 9 juin 1895. Tout pour moi est blessure, tant mon cœur saigne. La mort serait une délivrance, je n'ai pas le droit d'y penser. Toujours sans l'être des miens. Mercredi 12 juin 1895. J'ai enfin reçu des lettres de ma femme, de ma famille. Ce sont celles qui sont arrivées ici fin mars. Elles ont été certainement renvoyées en France. Plus de 3 mois donc pour que les lettres me parviennent. Commençant la douleur, le chagrin épouvantable de tous percer entre chaque ligne. Je me reproche encore davantage d'avoir écrit, au début de mon arrivée ici, des lettres navrantes à ma femme. Je devrais savoir souffrir tout seul, sans faire partager à ceux qui souffrent déjà assez par eux-mêmes mes cruelles tortures. Puis une suspicion continuelle, inouïe, incompréhensible, qui fait saigner plus encore mon pauvre cœur, déjà si ulcéré. En m'apportant mes lettres, le commandant des îles me dit « On demande à Paris si vous n'avez pas un dictionnaire de mots conventionnels. » « Cherchez, lui dis-je, que pense-t-on encore ?»« Oh, me répondit-il, on n'a pas l'air de croire à votre innocence. »« Ah, j'espère bien vivre assez longtemps pour répondre à toutes les calomnies infâmes, nées dans l'imagination de gens aveuglés par la haine et la passion. » Aussi nous faut-il à tous la lumière complète, éclatante, non seulement sur la condamnation, mais encore sur tout ce qui a été dit, commis depuis. J'ai reçu ma batterie de cuisine, et pour la première fois des conserves de Cayenne. La vie matérielle m'est indifférente, mais je pourrais soutenir ainsi mes forces. Les ouvriers forçats viennent travailler ces jours-ci. Aussi m'enferme-t-on dans mon cabanon de crainte que je ne communique avec eux. Oh, laideur humaine! J'interromps ici mon journal pour donner quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus le 12 juin. Ces lettres étaient bien effectivement arrivées à Cayenne fin mars, puis avaient été renvoyées en France pour qu'elles puissent être lues au ministère des colonies ainsi qu'au ministère de la guerre. Plus tard, ma femme fut prévenue d'avoir à déposer au ministère des colonies le 25 de chaque mois les lettres qui m'étaient destinées. Il lui était interdit de parler de l'affaire, des événements même connus et publics. Ces lettres étaient lues, étudiées, passaient entre bien des mains, souvent ne me parvenaient pas. Elles ne pouvaient donc avoir aucun caractère intime. Enfin, étant donné la surveillance dont elle était l'objet, elle ne voulait livrer aucun des efforts faits pour arriver à la découverte de la vérité, de peur que ceux qui étaient intéressés à nous perdre et à étouffer la lumière n'en fissent leur profit. Paris, 23 février 1895. Mon cher Alfred, j'ai été profondément affecté en apprenant aussitôt mon retour que tu avais quitté l'île de Ré. Tu étais bien loin de moi, il est vrai, et cependant je pouvais te voir chaque semaine, et ces entrevues étaient ardemment attendues. Je lisais dans tes yeux tes atroces souffrances, et je ne rêvais qu'à te les diminuer un peu. Maintenant je n'ai plus qu'un espoir, qu'un désir, venir te rejoindre, t'exhorter à la patience, et à force d'affection et de tendresse, te faire attendre avec calme l'heure de la réhabilitation. Voici maintenant ta dernière étape de souffrance. J'espère au moins que sur le bateau, pendant cette longue traversée, tu auras rencontré des gens humains, que la pensée d'un innocent, d'un martyr aura attendri. Pas une seconde ne se passe, mon mari adoré, sans que ma pensée ne soit avec toi. Mes journées et mes nuits se passent en angoisse continue pour ta santé, pour ton moral. Pense que je ne sais rien de toi, et que je ne saurai rien de toi jusqu'à ton arrivée. Paris, 26 février 1895. Jour et nuit, je pense à toi, je partage tes souffrances. J'ai des angoisses atroces en te sentant t'éloigner ainsi. Naviguer sur une mer peut être déchaîné et augmenter ainsi tes tortures morales par un malaise physique. Par quelle fatalité nous trouvons-nous aussi cruellement éprouvés? J'ai hâte d'être près de toi et de pouvoir dominer un peu par mon affection, ma tendresse, notre immense chagrin. J'ai demandé au ministre des colonies l'autorisation de te rejoindre. La loi permettant aux femmes et enfants de déporter de les accompagner. Je ne vois pas qu'il puisse y avoir de l'objection à cet égard. Aussi j'attends ma réponse avec une impatience fébrile. Mardi 28 février 1895. Te décrire ma tristesse, mon chagrin à mesure que je te sens t'éloigner m'est impossible. Mes journées se passent en réflexions atroces, mes nuits en cauchemars épouvantables. Les enfants seuls, par leur gentille manière, leur âme si fraîche, arrivent à me rappeler que j'ai un grand devoir à remplir et que je n'ai pas le droit de me laisser aller. Je me ressaisis alors, et je tiens à cœur de les élever comme tu as toujours désiré le faire, de suivre tes excellents conseils, d'en faire de nobles cœurs, de façon qu'à ton retour tu trouves ces petites âmes telles que tu les rêvais. Paris, 5 mars 1895. Je t'ai expédié avec ma dernière lettre un paquet de revues de toutes sortes, qui t'intéresseront et qui t'aideront dans la mesure du possible à te faire trouver les heures un peu moins longues, en attendant que tu reçoives la bonne nouvelle de la découverte du coupable. Pourvu, mon Dieu, que la vie qui t'attend là-bas ne soit pas trop pénible, que tu ne manques pas du strict nécessaire et que tu supportes physiquement les rigueurs qui te sont imposées. Depuis que tu as quitté la France, mes souffrances sont doublées. Rien ne peut égaler les angoisses affreuses qui me torturent. Je serais mille fois moins malheureuse si j'étais avec toi. Je saurais au moins comment tu te trouves, quel est ton état de santé, ton moral. Mes inquiétudes de ce côté seraient au moins calmées. Lucie. Suite de mon journal. Samedi 15 juin 1895. Je suis restée enfermée toute la semaine dans mon cabanon, par suite de la présence des forçats qui sont venus travailler à la caserne des surveillants. Tous les supplices. Cette nuit, colique sèche qui me tordait sur mon lit. Mercredi 19 juin 1895. Chaleur sèche, la saison des pluies tire à sa fin. Je suis couvert de boutons produits par les piqûres des moustiques et autres insectes. Et tout cela n'est rien. Que sont les souffrances physiques à côté de mes horribles tortures morales? Des infiniment petits. C'est mon cerveau, c'est mon cœur qui souffre et hurle de douleur. Quand donc découvrira-t-on le coupable? Quand donc connaîtrai-je enfin la vérité sur cette tragique histoire? Vivrai-je jusque-là? J'en doute parfois, tant je sens tout mon être se dissoudre dans une désespérance terrible. Et ma pauvre et chère Lucie, et mes enfants, non, je ne les abandonnerai pas. Je soutiendrai les miens de toute l'ardeur de mon âme, tant que j'aurai l'ombre de force. Il me faut tout mon honneur, tout l'honneur de mes enfants. Samedi 22 juin, 11h, soir. Impossible de dormir. Je suis enfermée dès 6h30 du soir, éclairée seulement par le fanal du corps de garde. D'ailleurs, je ne puis faire de l'anglais toute la nuit. Les quelques revues qui me parviennent sont bien vite lues. Puis toute la nuit, c'est un va-et-vient continu dans le corps de garde. Un bruit incessant de portes brusquement ouvertes, puis verrouillées. D'abord la relève toutes les 2 heures du surveillant de garde. En outre, le surveillant de ronde vient signer chaque heure au corps de garde. Ces allées et venues continuelles, ces grincements de serrures, deviennent comme des choses fantasmagoriques dans mes cauchemars. Quand finira ce martyr aussi horrible qu'immérité? Mardi 25 juin 1895. Les condamnés viennent de nouveau travailler dans l'île. Me voilà enfermé dans mon cabanon. Vendredi 28 juin 1895. Toujours enfermé à cause de la présence des condamnés ici. J'arrive à force de volonté, en tendant mes nerfs, à travailler l'anglais 3 ou 4 heures par jour. Mais le reste du temps, ma pensée se reporte toujours à cet horrible drame. Il me semble parfois que le cœur, que le cerveau vont éclater. Samedi 29 juin 1895. Je viens de voir passer le courrier venant de France. Comme ce mot fait tressaillir mon âme, penser que ma patrie, à laquelle j'ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, peut me croire un vil gredin. Ah, c'est parfois trop lourd pour des épaules humaines. Jeudi 4 juillet 1895. Je n'ai pas eu la force d'écrire ces jours-ci, tant j'ai été bouleversée, en recevant enfin, après une si longue attente, des lettres relativement récentes de ma femme, de toute ma famille. Les dernières lettres reçues datent du 25 mai. On a enfin prévenu ma famille que les lettres devaient passer par la voie du ministère. Toujours rien. Le coupable n'est pas découvert. Je souffre de toutes les tortures de ma famille comme des miennes propres. Je ne parle même pas des mille misères de chaque jour, qui sont autant de blessures pour mon cœur ulcéré. Mais je ne lâcherai pas pied. Il faut que j'insuffle l'énergie à ma femme. Je veux l'honneur de mon nom, de mes enfants. Voici quelques extraits des lettres que je reçus de ma femme à cette date. Paris, 25 mars 1895. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. J'attends de mon côté avec une très grande impatience la nouvelle de ton arrivée. Elle ne peut plus tarder car voilà bientôt 3 semaines que tu es en route. Quel calvaire tu as traversé et quel moment épouvantable tu as encore à passer jusqu'à ce que nous arrivions à la vérité. Mathieu ne peut se décider à s'absenter. Je sais combien tu l'as toujours aimé, combien tu admirais son beau caractère. Paris, 27 mars 1895. J'ai le cœur déchiré en pensant à tes souffrances, au chagrin que tu dois ressentir tout seul exilé, n'ayant même pas une âme auprès de toi qui puisse te soutenir, te donner de l'espoir, du courage. Je voudrais tant être auprès de toi, partager ta douleur et la diminuer un peu par ma présence. Je t'assure que ma pensée est bien plus aux îles du salut qu'ici. Je vis là-bas avec toi. Je cherche à te voir dans cette île perdue, à me représenter ta vie. Paris, 6 avril 1895. J'ai lu ce matin, non sans émotion, le récit de ton arrivée aux îles du salut. D'après les journaux, c'est l'île du diable qui t'a été réservée. Et si la nouvelle de ton arrivée est parvenue jusqu'en France, je n'ai encore absolument rien reçu de toi. Je ne puis te dire combien je souffre ainsi, séparée complètement de mon mari tant aimé, privée totalement de nouvelles et ne sachant comment tu supportes cet horrible martyre. Ton abnégation si admirable, ton courage si héroïque, ton âme si énergique nous donne des forces pour accomplir la tâche qui nous incombe. Nous la mènerons à bien, j'en suis sûre. Paris, 12 avril 1895. Toujours sans nouvelles de toi, c'est terrible. Il va y avoir 2 mois que je t'ai vu et depuis rien, absolument rien. Pas une ligne de ton écriture, m'apportant quelque chose de toi, c'est bien dur. Pour moi, ce sont des angoisses terribles de te sentir aussi malheureux. Mon cœur, tout mon être est torturé à cette pensée. Paris, 21 avril 1895. 21 avril. Cette date me rappelle d'excellents souvenirs. Il y a aujourd'hui 5 ans, nous étions heureux, parfaitement contents. 4 ans et demi se sont déroulés d'une existence délicieuse. Nous ne connaissions que le bonheur. Puis tout à coup, le coup de foudre, un effondrement épouvantable. Je t'ai toujours dit que je n'avais rien à désirer, que je possédais tout. Eh bien, cette fois, je forme des vœux ardents. Ce ne sont plus des désirs, c'est une supplication, une prière que j'adresse à Dieu pour que cette année nous ramène le bonheur, pour que notre honneur qui nous a été dérobé nous soit rendu, pour que tu retrouves avec la force, la joie, le bonheur, la santé. Paris, 24 avril 1895. Je n'ai encore rien reçu de toi et je suis navrée. Chaque matin, j'espère, j'attends. Chaque soir, je me couche avec la même déception. Ah, mon pauvre cœur, comme il est torturé. Paris, 26 avril 1895. Je viens de passer la journée la plus épouvantable de mon existence. Un journal n'a-t-il pas annoncé que tu étais malade? Les tortures que j'ai subies après cette lecture sont indescriptibles. Te sentir malade là-bas, seul, n'avoir même pas la consolation de te soigner, de te faire du bien, c'était atroce. Mon cœur, tout mon être me faisait horriblement mal. Moi qui t'avais supplié de vivre, qui n'avais plus qu'un espoir, celui de te voir encore heureux et de contribuer à ce bonheur, toutes les idées les plus noires m'ont passé par la tête. Affolée, je me suis adressée au ministère des colonies, la nouvelle était fausse. Quand m'arrivera ta première lettre? Je l'attends avec une impatience enfantine. Paris, 5 mai 1895. La lettre que j'attends de toi depuis ton arrivée, avec une si grande impatience, ne m'est pas encore parvenue. Depuis que je sais que le courrier français est arrivé, depuis le 23 avril, j'ai des battements de cœur chaque fois que le facteur arrive, et chaque fois j'ai le même désappointement. Il en est de même pour mon autorisation de venir te rejoindre. Le ministre des colonies n'a pas encore répondu à mes 2 demandes successives qui datent du mois de février. Que faire, que penser? Ton petit Pierre fait tous les soirs une ardente prière pour demander ton prompt retour. Le pauvre petit, qui a l'habitude que tout lui sourit dans la vie, ne comprend pas pourquoi ses vœux n'ont pas été exaucés. Il la répète 2 fois, de peur de ne pas l'avoir dite assez bien. Paris, 9 mai 1895. Enfin, j'ai reçu une lettre de toi. Je ne puis te dire quelle joie j'ai éprouvée et combien mon cœur a battu en revoyant ton écriture, chérie. En lisant ces lignes que tu avais écrites, les premières qui me parviennent depuis ton arrivée, c'est-à-dire depuis près de 2 mois. Tes souffrances, tes tortures, je les partage. Lucie.